semaine passée que Jérémy Fortin, l'ancien joueur des Saguenay de Chicoutimi, a joué également dans la Légion 3. Ben, a fait le grand saut, lui s'en va en France. C'est une grosse décision. Question un peu de nous raconter où ce qu'il est présentement. On lui parle. Salut Jérémy. Salut. Jérémy, grosse décision. Ouais, grosse décision. Ben, avec l'an dernier, la COVID, pas de sport, je pense que j'étais pas le seul, là. On avait tous hâte de recommencer. Ouais. Puis, comment c'est arrivé cette affaire-là et qui t'a approché de part? De base, qui m'a approché? En fait, je pense que c'est plus une question de circonstances. Comme j'ai dit l'an dernier, il n'y a pas eu de hockey. Ouais. Toutes les arénas étaient fermées. Fait que je m'ennuyais vraiment. Là, moi, j'étais à l'école à distance, à la maison. Puis, je commençais à tourner mes pouces un peu. Puis quand que mon université a annoncé fin juin que cette année allait être aussi à distance, ben, c'est là que je me suis dit ben, pourquoi pas aller jouer au hockey en Europe. Puis là, t'as fait faire des faire mes cours approches, à partir de. Ouais, là, t'as fait des approches, j'imagine. T'as pas d'argent, donc. Ouais. Ben, moi, depuis que j'avais 12-13 ans, j'étais avec M. Lupien, M. Gilles Lupien. Malheureusement, il est décédé dans les mêmes dates. Ah oui, c'est vrai, oui. D'un cancer. Puis là, tu sais, je me suis comme retrouvé sans repère au hockey un peu. Donc, c'est ça, j'ai dû me débrouiller un peu là, seul. J'ai commencé des recherches. Puis, tu sais, habituellement, les recherches pour jouer en Europe, ça commence février-mars. Donc, okay. Moi, j'ai commencé quand même tard mes recherches là, fin juin. OK. Mais j'étais chanceux. Là, tu es où? Là, je suis à Poitiers. Tu souligne-nous par rapport à Paris, c'est quoi? Poitiers, c'est plus au sud, là, c'est entre Paris et Poitiers. Là. C'est à peu près à 1h30 là, de train de Paris. OK. Puis moi, ben, je connais Mathieu Tremblay qui a joué avec le multiconcessionnaire. C'est-tu la même ligue? Non, c'est pas la même ligue. Là. Dans le fond, comment ça fonctionne? Eux, là, en Europe, ça fonctionne pas comme nous en Amérique du Nord. Là. Ça fonctionne plus comme le soccer. C'est exemple, une équipe. En D1 qui finit dernier va descendre en D2. Okay. Une équipe en D2 qui gagne en D2 va monter en D1. Donc, tu sais, c'est comme. Puis au travers de cette saison-là, de D1, D2, il y a aussi la Coupe de France où est-ce que les équipes D1 peuvent affronter les équipes D2. Mais non, Mathieu, lui, il est à Brest, je pense, en D1. Là. OK. Donc, c'est pas mal plus fort. Là. Fait que. Puis là, ben, tu peux même jouer, tu me dis en votre nom, tu peux. Ben, c'est vraiment un système de relocalisation, là, en fait. Là. Ouais. Ça doit ressembler pas mal à ça. Mais dis-moi, Jérémy, est-ce qu'il y a des gens pas mal qui assistent au match? Est-ce que tu sens une certaine fierté? Ah, oui. Ben, dans le fond. Est-ce que tu connais les connaisseurs? Si tu es connaisseur un peu? Poitiers, c'est une nouvelle équipe. Ça fait pas longtemps qu'elle existe. Puis, tu sais, elle aspire à monter. L'équipe de Poitiers veut monter. Fait que, tu sais, elle paye des bons joueurs pour qu'ils viennent jouer, pour qu'ils fassent monter le club, pour que, tu sais, ça marche un peu comme ça, eux. Puis, tu sais, on sent un peu une animosité. Tu sais, quand je suis arrivé, moi, j'habite sur le campus universitaire parce que je vais à l'école. Puis, tu sais, quand je suis arrivé, la madame, tout elle savait, tu joues pour le SPHC. Puis, tu sais, elle savait c'était quoi le hockey sur glace. Donc, Non, je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Là, je me suis dit qu'il y avait une moyenne de 1000-1100 personnes par match. Okay. Dans les séries, ça montait un peu. Là, tu es étudiant, donc tu ne reçois pas de salaire, j'imagine, non plus. Oui, je reçois un salaire. OK, tu reçois un salaire de joueur de hockey. Okay, c'est quand même pas pire, ça. Je pensais que tu faisais comme étudiant. Dis-moi, Jérémy, si on parlait un peu du calibre, ça ressemble à quoi? Par rapport au Québec, c'est-tu à peu près, comme je dirais, moins fort que la Ligue nord-américaine? Je pense pas que c'est comparable. Je pense pas qu'on peut dire une ligue est plus forte que l'autre, une ligue est moins forte que l'autre, parce que premièrement, c'est une glace olympique. Ouais. Deuxièmement, je veux dire, c'est pas les mêmes règlements. Je veux dire, tu peux pas faire une mise en échec dans le centre de la patinoire, ça se peut pas. Donc, tu sais, ça fait que le jeu est différent. Là. Les gars sont plus skills, ils ont plus d'habileté avec la rondelle. Je veux dire, c'est pas pareil. Là. Je veux dire, on pratique à tous les jours. Nord-américaine, je sais pas si tu veux dire, c'est comme. Ouais. Ok. Je sais que c'est bon. Comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des pommes, c'est. Dis-moi, si on parlait un peu des Québécois, y a-t-il d'autres Québécois qui sont là? Ouais. On est. On est quatre, je me trompe pas. OK. Les Mais. autres, les autres ont joué dans la Junior Major du Québec ou Ouais, Philippe a joué à Philippe? Val d'Or. Philippe Fortin jouait à Val d'Or. OK. Tu sais, je connaissais pas, là. OK. D'ailleurs, je les ai pas tout encore rencontrés. Tu sais, je suis arrivé hier, donc OK, donc vous j'ai. êtes dans la même équipe, c'est ça? Ouais, dans l'équipe. OK. Bon, ben c'est quand même intéressant. Donc on va suivre ça de près, Jérémy, puis je vais te reparler au courant de la saison pour voir un peu comment que ça se passe, puis ainsi de suite. Là, donc tu es arrivé hier, donc j'imagine que tu n'as pas eu de séance d'entraînement, tu n'as pas eu de match. C'est quand est-ce que tu prévois jouer? Ben, en fait, je dis que je suis arrivé hier parce que je suis comme mêlé que le décalage horaire, là. Je Ouais. suis arrivé avant hier. Ben, OK. ouais, sinon, j'ai eu une pratique, là. Ça a bien été, là. Ça a bien été. OK. Ben Jérémy, bravo. On va te souhaiter la meilleure des chances, puis au plaisir de se parler. Cool, merci. Notre ami Jérémy Fortin de Dolbeau-Missassini qui va s'allier avec une équipe de France. Et on va suivre au courant de la saison.